Léon, dans son costume, tiré à quatre épingles, semble tout droit sorti d'un film des années 20. Tu le sors d'où, Léon, ce costard de bastringue? On le chambre un peu ici, tout le monde l'aime bien. Léon a rendez-vous ce soir avec une gazelle. Elle doit être jolie, vu les efforts qu'il a fait. Léon a rendez-vous, il nous avoue qu'elle est belle. Si belle qu'il hésite encore à y aller. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire danser. Depuis que la Raymonde, paix à son âme, a laissé à Léon le zinc en accoudoir. Il en a bu des coups à la santé de sa femme. Il en a pris des cuites, alors le voit dedans ce beau costume qui devait être à son père. Y a comme de l'émotion, on a envie de l'aider. Assure comme un chef, Léon, tu sais y faire. On l'embrasse sur le caillou, il a l'air gêné. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire danser. On lui a mis dans les bras un bouquet de marguerites. Ajuster la cravate, il est beau comme un sous-neuf. Sur qu'elle va succomber dans tes bras, la petite. Et Léon, c'est quand que tu nous présentes ta nouvelle meuf? Léon s'est tiré sous les holas du bistrot. Il en menait pas large, mais il s'est pas retourné. On l'a suivi du regard jusqu'à l'entrée du métro. Il y avait dans son rancard un côté ce soir ou jamais. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire danser. Le lendemain, au bistrot, il avait déserté le poste. Et pour un type comme lui, autant dire que c'est pas rien. On n'a jamais su comment elle était belle, la belle gosse, qu'a volé notre poteau et laissé du chagrin. Si un jour tu reviens, Léon, ici t'auras ta place. J'espère que tu nous raconteras, ouais, à ta façon. On rira comme avant, tu sais, elle manque ta grimace. Et puis t'as laissé une ardoise, alors fais pas le con. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut pas la brusquer, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rire, Léon. Il faut la faire rougir, Léon. Il faut la faire chanter, il faut la faire danser. Il faut bien lui parler, Léon. Il faut la faire rêver, Léon. Il faut l'emmener se balader, Léon. Il faut la faire danser, il faut la faire valser. Il faut la faire chanter, Léon. Sur un petit air d'accordéon, Léon. Il faut la faire sourire, Léon. Il faut la faire souffrir, Léon. Il faut la faire danser, il faut la faire rêver, danser. Oh,